Chapitre 55. De Recht à Enezeli, le yacht royal. Enezeli, le palais du chat, un lit de rose, une accouchée, sévérité envers les femmes. La quarantaine allant finir, je pris congé de mes hôtes et je quittai Recht, où mon séjour avait été des plus agréables. Le fils du consul d'Angleterre et plusieurs autres personnes m'accompagnèrent jusqu'à Péribazar, bourg à 5 000 de distance, situé au bord de la rivière Mourdab, eau morte, qui conduit au lac du même nom, près de la mer Caspienne. La matinée était fort douce. Nos chevaux allant au pas, je pus contempler à loisir le beau panorama qui se déroulait devant mes yeux. Le trajet de Recht à Péribazar est une promenade charmante. Contrairement à l'habitude du pays, le chemin est large, bon et parfaitement entretenu. Cette belle route est si différente de toutes celles de l'intérieur du pays que les voyageurs entrant en Perse de ce côté pourraient taxer d'exagérer mes plaintes au sujet du mauvais état des autres voies de communication. Aussi, mon étonnement fut-il extrême en allant de Recht à Péribazar. Sur tout le parcours, un immense océan de verdure s'étend à perte de vue. Des deux côtés s'élèvent de grands arbres aux branches touffues, des arbustes au feuillage nuancé, se découpant nettement sur des fonds clairs. Le Mourdab serpente capricieusement entre ses rives verdoyantes. Le soleil qui se reflétait dans les eaux moirées de la rivière, dorait de ses rayons ce coin de terre tout à fait désert. Malgré sa beauté et sa richesse, aucune habitation ne l'anime, bien qu'il possède tout pour être un endroit de villégiature ravissant. Le passage des voyageurs allant et venant d'Enezeli, à 12 000 de distance de Péribazar, lui donne une grande animation. Ce bourg de quelque importance possède un caravansérail et un bureau de douane. Depuis l'établissement de la quarantaine, le mouvement avait considérablement diminué. Cependant, on y remarquait l'activité qui règne toujours dans un lieu d'embarquement. De tous côtés, on voit arriver des chevaux et des mulets dont les fardeaux sont déposés pêle-mêle sur la rive étroite. Plus loin, ce sont les patrons des Rerigés et des Réginés, fondant comme des oiseaux de proie sur les colis laissés sous la surveillance des Tchawadars. Note. Rerigé, canot, plat, à rame, dite palette. Fin de note. Note. Réginé, embarcation à rame et à voile qui font le service du lac et peuvent contenir une douzaine de passagers. Le nombre des rameurs varie suivant la volonté du voyageur. La taxe pour aller de Péribazar à Enezeli est de 2 crans par homme. Si le vent est favorable, le trajet se fait en 2 heures. Fin de note. D'autres bateliers, non moins empressés, empoignent les nouveaux arrivants qui, harassés, moulus et titubants, pour ainsi dire, semblent encore suivre le mouvement de leur monture. Poussant celui-ci, portant celui-là, ils les jettent dans leur bateau avant que les victimes, ahuries par le vacarme, aient pu s'opposer à leur violence. Ces matelots appartiennent à diverses races. Les plus agiles sont les noirs, le torse et les jambes nus. Ces vigoureux rameurs s'excitent mutuellement, les uns en invoquant les noms d'Allah et de Mahomet, auxquels d'autres répondent par celui d'Ali. À mon arrivée à Péribazar, mes compagnons craignant pour moi le zèle trop intéressé de ces encombrants serviteurs me conseillèrent de me réfugier dans une des chambres du caravansérail. Je suivis ce conseil afin de ne pas être enlevé malgré moi. Du Balarané, où je me trouvais, je pus voir les scènes comiques qui se passaient sur la rive du canal où sont amarrées les embarcations. Un grave mollah, descendant majestueusement de son cheval, s'apprêtait à prendre possession de son bagage lorsque, en un clin d'œil, et sans respect pour son turban vert, indiquant sa descendance du prophète, il se vit entouré par des bateliers qui s'emparèrent aussi lestement de sa personne que de ses colis. Un d'eux, un noir, de taille gigantesque, l'enleva d'un tour de main comme un fétu de paille, le mit à califourchon sur ses épaules et le porta en triomphe vers son canot, tandis qu'un autre, marchant devant lui à reculons, gesticulait, faisant les contorsions les plus excentriques. Un grand nombre de leurs camarades les suivaient, poussant des cris assourdissants et riant aux éclats. Or, un mollah, se rendant en pèlerinage, ne doit ni se fâcher, ni même s'irriter en route, quoi qu'il arrive. Aussi, malgré l'inquiétude légitime que lui causait la disparition de ses colis, saisi par d'autres bateliers, supportait-il stoïquement le traitement qu'on lui faisait subir. Jeté violemment au fond d'une barque, il marmottait des prières, peut-être, pour recommander au prophète le sort de ses deux courgines, son caliant et son rouleau de tapis auquel était attachée une casserole et l'indispensable aiguière. Note, un persan ne se met jamais en voyage sans l'aiguière pour les ablutions prescrites. Fin de note. Les matelots ricanaient en voyant sa mine piteuse, mais rira bien qui rira le dernier. Lorsqu'il s'agira du paiement, notre pauvre martyr se vengera sûrement de ses tribulations en prenant dans les plis secrets de son turban, qui lui tient lieu de bourse, le pêche-cache le plus maigre possible pour narguer ses tortionnaires de l'avoir harcelé sans merci. À son tour, il rira de leur mine piteuse. On quitte Recht la veille de l'arrivée du paquebot à Enzeli afin de ne pas le manquer, car l'heure de son passage n'est pas fixée et la durée de l'escale est courte. Je suivis l'usage, me proposant de partir par le bateau qui devait arriver le lendemain matin à la première heure. Lorsque je vis tous les passagers embarqués, je descendis sur la rive et pris place à mon tour dans une rirgine sans être nullement importuné. Nous naviguâmes environ une heure en suivant le canal, puis l'embarcation vogua sur le lac. Le calme de l'immense nappe liquide n'était troublé que par le frôlement d'ailes des oiseaux aquatiques. Par milliers, ils venaient se reposer un moment sur les ondes, happaient une proie, puis reprenaient leur vol avec un bruit semblable à celui de l'hélice. Ces oiseaux contribuent par le dépôt de leur guano à la puissance de la végétation qu'on admire sur les bords du lac. Les cris visiriels dont j'étais muni me donnaient le privilège de loger au palais d'Enzeli. J'allais m'y rendre pour y passer la nuit, lorsqu'en approchant du yacht royal, mouillé près de la rive, je fus interpellé en russe par la femme du mécanicien qui offrit de m'héberger à bord. Note. Yacht royal. Ce petit vapeur de construction anglaise est le seul que la Perse possède. Il fut acheté lors du premier voyage du Shah en Europe pour le conduire jusqu'à la limite de son pays. Fin de note. Comme j'étais seule, j'acceptais d'autant plus volontiers cette invitation que je savais le service du palais fait exclusivement par des hommes. La Russe, heureuse de pouvoir échanger avec moi quelques mots dans son idiome national, fit de son mieux pour m'être agréable. Elle m'installa dans la cabine du chat et étendit sur le sol des matelas entourés d'une moustiquaire pour me garantir des insectes. J'eus l'honneur d'avoir pour unique compagnon le portrait du monarque dont le hasard me faisait l'hôte. Cette peinture, à vrai dire, ne donnait pas une haute idée du talent de l'artiste. Bercé par les vagues qui soulevaient doucement les flancs du navire, je dormis paisiblement cette nuit-là. Je me figurais que la cabine royale devait être ma dernière étape en Iran. Mais un proverbe du pays dit « On sait quand on entre en Perse, on ignore quand on peut en sortir ». Hélas, je devais en faire la triste expérience. Le lendemain, dès l'aube, j'attendis en vain le bateau annoncé. Si j'avais eu la foi aveugle des indigènes, peut-être ne me serais-je pas mise en route sans savoir si l'heure était propice. Il est probable aussi que, si, à Recht, j'étais sortie à reculons de la maison du consul, ainsi que le recommandent les savants de vin du pays, le navire serait arrivé et je n'eusse pas éprouvé d'entrave dans mon voyage. Mais je n'y croyais pas. Ce fut 3 jours après une attente anxieuse que j'appris pour quel motif le bateau ne s'était pas arrêté à Enzeli comme d'habitude. Pour éviter le retard occasionné par la quarantaine, les paquebots de la compagnie Mercure et Caucase ne faisaient plus escale à Enzeli et les voyageurs devaient s'embarquer à Méché-Désert. Nullement disposés à subir les fatigues d'un nouveau trajet à cheval par une chaleur accablante, je me décidai à attendre l'arrivée d'un petit vapeur appartenant à un particulier qui faisait fréquemment le trajet de Bakou à Enzeli. Par une cruelle ironie du sort, je me trouvais donc dans une situation bizarre. Prisonnière à bord du yacht de Sa Majesté, n'ayant pas la permission régulière d'y demeurer, j'en informai qui de droit. Je fus immédiatement autorisée à y rester. Ce navire portait le nom de Shah-in-Shah Nasser-Eddin. De nombreux ouvriers étaient en train de le remettre à neuf afin qu'il fût digne de recevoir le Shah à son retour. Du jour où ce bateau était devenu propriété persane, le fonctionnaire chargé de son entretien avait employé les fonds pour ses affaires personnelles et le Royal Yacht se trouvait dans le plus triste état. L'arrivée prochaine du souverain nécessitait donc impérieusement des réparations urgentes. Mon séjour forcé sur le lac d'Enzeli me permit de visiter minutieusement ce port coquettement situé entre la mer et la lagune et dominé par la chaîne de l'Elbrouz. Enzeli compte 1 millier de maisons. Les habitants sont la plupart pêcheurs, bateliers, jardiniers. Pendant la saison de la pêche, la population augmente d'un assez grand nombre d'individus qui se livrent à cette industrie, à la salaison du poisson et à la préparation du caviar. Quelques familles arméniennes qui ont une petite église où vient officier aux grandes fêtes, le prêtre de Recht y font le commerce. Du côté du lac, Enzeli s'étend sur une rive étroite et malpropre. Les maisons qui l'abordent forment la continuation du bazar, composée de ruelles non pavées où le pied s'enfonce dans un mélange de sable et de boue. Dans les échoppes, on ne vend que des objets de première nécessité et de peu de valeur. L'industrie spéciale est la fabrication de nattes de paille. Solidement tressées par les femmes, elles remplacent les tapis dont l'usage est peu répandu dans le Rilan. Le prix de ces nattes, d'un mètre de long sur 50 cm de large, est de 25 centimes. Ce genre de travail n'enrichit guère les ouvrières. Les habitations, d'un style tout à fait différent de celui des maisons de Téhéran, sont à un étage et entourées de superbes jardins clos de hautes murailles. Quelques-unes de date ancienne avec galeries sont vastes et conservent des restes de magnificence auxquels répond peu l'ameublement intérieur qui est pauvre et mesquin. Toutes les chambres communiquent et sont éclairées de hautes fenêtres à vitres coloriées donnant sur une véranda qui longe tout l'extérieur de la bâtisse. Les orangers et les citronniers semblent vouloir rivaliser en hauteur avec les chênes et les peupliers. Ils répandent fort loin une odeur balsamique. Ces senteurs sont si vives qu'elles vous enivrent et portent à la mollesse. Étant allée voir une famille indigène, je trouvai une centaine de femmes réunies au pied des orangers et des rosiers. Elles effeuillaient des roses pour en faire des confitures et préparaient la fleur d'oranger afin d'en extraire l'essence. Je visitai le palais composé de 3 édifices dont le plus ancien fut bâti sous le règne du père de Nasser Eddin. Ce dernier fit élever une tour à 5 étages dite Samsat Amarat, renfermant chacun un appartement avec galerie. Note: Samsat Amarat, tour du palais. Fin de note. Un appartement avec galerie. Le chat, de retour de son premier voyage en Europe, débarqua à Enzeli. Ravi de l'aspect que présentait le pays du haut de la tour, il dit qu'il n'avait trouvé nulle part un plus beau point de vue. En effet, le coup d'œil est magnifique. L'étage supérieur, le plus riche et le plus élégant, est réservé au chat, l'étiquette ne permettant pas que l'on demeure au-dessus de l'endroit qu'il habite. Le salon spacieux, de style persan, est orné de colonnes et de panneaux en verroterie. Le tapis et l'ameublement sont européens. L'extérieur est en stuc, avec relief bleu, blanc et vert. Des dalles bleu clair couvrent la toiture. Les escaliers semblent faits pour des géants, tant les marches sont élevées. Je dus faire de grands efforts pour les gravir. Lorsque la tour est inhabitée, elle est garantie au dehors par d'épaisses nattes d'osier à claire-voie. Pendant le séjour du chat, on les remplace par des stores en toile blanche avec appliques coloriées. Lors de la construction du Samsat Amarat, Nasser Eddin fit bâtir à proximité un château nommé Sadri Rané qu'il offrit au grand vizir Hadji Mirza Hussein Khan, alors en grande faveur. Mais celui-ci ne tarda pas à tomber en disgrâce et la demeure revint au chat. Cette habitation n'est séparée du palais que par un mur. Les personnes munies de lettres viziérielles peuvent y loger. Les moins privilégiés s'abritent au caravansérail. Pendant leur séjour à Enzeli, les femmes du chat sont installées dans l'ancien palais. Ce groupe de bâtisses est entouré de vastes jardins plantés de rosiers, d'orangers, de citronniers et d'autres arbres à essence de diverses espèces. Enzeli est un site dont la nature a fait une merveille. Son climat essentiel rappelle ceux de Naples. Ses fruits sont délicieux et les fleurs en profusion. Lorsque Nasser Eddin jette son regard sur le lac, où l'on voit au mouillage ce que l'on ne peut appeler sans sourire la flotte persane, le yacht et un petit canot à vapeur, il doit se dire que les temps sont bien changés pour la Perse depuis l'époque où Xerxès, assis sur un rocher, dominant Salamine, voyait avec orgueil sa flotte couvrir les mers de la Grèce. Note: le yacht et un petit canot à vapeur, cadeau du tsar Nicolas à Mehemet Shah. Fin de note. Un phare situé à proximité de la tour indique Enzeli au navigateur. Vis-à-vis, un château fort en ruine, couvert d'un toit de tuiles rouges, dresse sa silhouette. Son entrée est flanquée de 2 tourelles en pierre ressemblant à des guérites. Le monticule où il s'élève est parsemé de débris envahis par des plantes grimpantes qui lui font, avec de nombreux arbres fruitiers, une ceinture de verdure. Le sol s'est effondré sous le poids des canons qui le défendaient primitivement. Le lac Mourdab a une largeur d'à peu près 12 000 anglais. Son fond inégal diminue de plus en plus par suite de l'amoncellement de la vase que charrie la rivière. Il est en quelque sorte le rempart du Rilan, le manque d'eau ne permettant qu'à de petits bateaux d'y naviguer. Note: au commencement de ce siècle, lorsque les Russes se rendirent maîtres de Bakou, le général géorgien Tsitsianov fit une descente au Rilan et s'en empara. Mais ne possédant pas pour pouvoir traverser le lac le genre de bateau nécessaire au transport de ses munitions et ayant de plus tenté, mais en vain, de se frayer un passage à travers les marécages qui l'entourent, il dut renoncer à son projet d'attaquer Téhéran. Fin de note. On y voit près du lac d'anciennes batteries dont les oiseaux aquatiques sont les seuls gardiens. Ils arrivent par myriades à heure fixe, déposent leur guano et s'envolent pour revenir plus tard. Je m'amusais souvent à voir leur manège, vraiment curieux. Plusieurs établissements de salaison sont situés au bord de l'eau. De vastes hangars, de grands magasins, plusieurs maisons, des tourelles de style russe forment un ensemble varié le long des rives du lac. En face se trouve un îlot où s'élèvent des maisons de campagne au milieu de jardins. Les rosiers y sont en telle profusion qu'on peut coucher sur un lit de roses. J'en fis l'expérience. En visitant une de ces habitations, je vis un monceau de roses effeuillées d'une hauteur d'au moins 40 cm couvrant le sol d'une chambrette. Je ne pus résister au désir de faire une sieste sur cet édredon parfumé, ne craignant pas, comme le sybarite de l'Antiquité, d'être incommodé par le pli d'une de ses feuilles. Mais ma fantaisie déplut fort à la propriétaire de ce lit odorant. Elle voulait extraire de l'essence de ses fleurs et, selon elle, le contact d'une infidèle les avait rendues impures. Les musulmans de ces régions, qui vouent à la perdition éternelle ceux qui font usage de liqueurs fortes, se livrent cependant en secret à ce péché mignon. Les femmes elles-mêmes s'y adonnent volontiers, invitées par une famille à Enzeli pour entendre de la musique. Je pus constater le fait. Dans cette maison, des princesses, parentes du chat, avaient souvent demeuré, mais sitôt entrées, on m'exprima le regret de ne pouvoir m'accorder la même hospitalité, les persanes n'ayant pas l'habitude de loger des Européennes chez elles. La maîtresse du logis, avant de commencer à chanter, prit un flacon caché sous un coussin, en but quelques gorgées et me l'offrit ensuite. La forme plate et oblongue de la bouteille me fit croire qu'elle contenait du vin d'Amadan. Mais à la couleur, je reconnus que c'était de l'eau de vie dont la chanteuse était friande et qu'elle prenait, disait-elle, pour s'éclaircir la voix. Note: vin d'Amadan. Le vin d'Amadan est très capiteux. Il se transporte en fiole plate, bouchée avec du coton. Le concert avait lieu en présence de sa fille, accouchée la veille. Vêtue de son costume habituel, la jeune mère était étendue sur des matelas placés à terre. À côté d'elle reposait le nouveau-né, la tête sur un Coran en guise d'oreiller et le corps emmailloté comme une momie égyptienne. Note : les musulmans croient qu'en plaçant la tête d'un malade sur le Coran, la guérison est certaine et que tout lui réussira. Fin de note. Pour une accouchée, les 3 jours suivant la délivrance sont une fatigue constante. Obligée de recevoir les félicitations de ses parentes et amis, elle est tenue de faire honneur aux tchirinis qu'elle lui offre et de les manger en leur compagnie. Les amis du mari viennent également le complimenter. Pendant ce temps-là, il y a fête au logis. Si le nouveau-né est un garçon, la réjouissance est plus grande. Chez les musulmans de toutes les classes, on fait peu de cas des filles. L'indifférence pour celles-ci est souvent poussée au plus haut degré. Parmi le peuple, surtout, elle n'a d'égal que l'intolérance exercée contre les femmes pour la moindre faiblesse. Je vis à Enzeli une malheureuse victime de cette sévérité exagérée. Fille d'un propriétaire aisé, elle avait épousé un homme de sa condition qui la laissa bientôt veuve. Un jour, se trouvant seule à la campagne, occupée à cueillir des feuilles de mûrier pour les vers à soie, qu'elle et sa mère élevaient, elle fut surprise et violée par un inconnu malgré la plus vive résistance. Elle ne dit mot de cet outrage, craignant surtout la colère de son frère. 4 mois après, une Russe, sa voisine, sage femme de profession, la voyant souffrante et soupçonnant une grossesse, l'interrogea. La veuve lui raconta ce qui s'était passé. afin de la soustraire au mauvais traitement qui l'attendait, la Russe lui proposa de l'employer chez elle. La musulmane accepta et quelques mois après, elle donna le jour à une fille. Malheureusement, sa maternité ne resta pas secrète. Son frère furieux vint la voir, la roua de coups et jura de la tuer ainsi que son enfant. Pour le calmer, la sage-femme offrit d'adopter la nouveau-née, mais le persan s'y refusa. Craignant de nouvelles violences, la compatissante russe emmena sa protégée loin d'Enzeli. Au bout d'un an, croyant le frère revenu à des sentiments plus humains, elles retournèrent. Mais leur attente fut trompée. Peu de jours après leur arrivée, pendant que la russe était sortie, le musulman vint voir sa sœur et, sans dire mot, mit quelque chose dans la bouche de l'innocente petite fille qui fut prise de convulsions et mourut quelques heures après. Il l'avait empoisonnée. Le soir, il vint, d'après les ordres du mollah, chercher le cadavre pour le couper en morceaux et l'ensevelir. Le prêtre l'avait autorisé à faire grâce à la mère, à la condition que l'enfant fût sacrifié. La Russe s'opposa à cette mutilation et sur ses instances, le corps fut enseveli, roulé dans un linceul, d'après le rite chiite. La mère, désolée, ne pouvant croire à la mort de sa fille, voulut la revoir. Pour la contenter, sa généreuse amie exhuma l'enfant et la rapporta chez elle. Note. Chose usitée et facile chez les persans, les cadavres étant enterrés à peu de profondeur. Fin de note. Les deux femmes habillèrent le petit corps, le mirent dans une bière faite par le mari de la Russe, charpentier de son état, et l'enterrèrent de nouveau à la même place. Note. Je tiens ces détails de la Russe même que je vis à Enzeli et qui me montra cette malheureuse mère. Peu après, la pauvre mère perdit la raison. Repoussée par ses parents, abandonnée de tout le monde, incapable du moindre travail, souvent sans nourriture, elle erre de tous côtés sans abri. Tantôt, elle passe la nuit au bord de l'eau, tantôt au coin d'une rue. Lorsque sa mère et son frère la rencontrent, ils s'éloignent d'elle comme d'un être impur. Le mollah, au lieu de faire grâce de la vie à cette malheureuse, aurait mieux fait de frapper du même coup les deux victimes de son fanatisme. Fin du chapitre 55.